pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un chef des Juifs nommé Nicodème, un homme d'entre les pharisiens, qui vint de nuit auprès de Jésus et lui dit. Un chef des Juifs nommé Nicodème, un homme d'entre les pharisiens, qui vint de nuit auprès de Jésus et lui dit. Rabbi, peut-il rentrer dans le sein de sa mère née? Seigneur, comment cela peut-il se faire? Demande Nicodème. C'est toi le docteur d'Israël, Nicodème, et tu ne sais pas ces choses? Jésus. Ces choses vous seront données par-dessus. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît dans les esprits, il ne peut entrer dans le royaume.